Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. On va s'attaquer maintenant à un gros morceau qui va sortir en avril prochain. À l'occasion du Super Bowl, on a eu un nouveau spot TV assez, je vais dire, dynamique et qui nous présentait un petit peu plus l'univers. C'est bien sûr celui de Avengers Infinity War. C'est un film qui est très attendu par les fans, hein, parce qu'il va commémorer les 10 ans du MCU. Déjà, d'une part. Et puis, on attend de gros rebondissements dans ce film et on a plein de nouvelles images. Hein. On voit les différentes équipes se former. Je pense notamment à ce plan avec Doctor Strange et Iron Man. On voit aussi les Gardiens de la Galaxie. On voit Thor et Groot même au moment et Rocket. Enfin, il y a plein de plans. Je veux dire, ça fait plaisir aux fans, quoi. Je sais pas pour toi, mais... Ah, ça fait multiculturel, hein. C'est vraiment tous les films qui sont regroupés C'est en ça. un. Un film, comme je l'ai déjà répété sur notre podcast, sur ce qu'on attend sur l'année à venir, un film facile à rater. Donc voilà ce que je dis toujours, hein, les mecs, on vous attend au tournant, faites attention quand même. Donc voilà, on y voit quand même tous, hein, Thor, Spider-Man, Iron Man, Strange. Beaucoup d'acteurs qui vont être présents sur le plateau, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont faire un caca nerveux pour être plus à l'écran que d'autres. Bah là, on voit qu'il y a quand même une dominance de Steve Rogers et de Tony Stark, quoi. Après, Steve Rogers, ce serait un peu normal qu'il y ait une prédominance de lui. Est-ce qu'il y a tout l'univers du Wakanda où apparemment il s'est réfugié? C'est ça. Il va falloir quand même annoncer, sachant qu'en plus Black Panther sort avant Infinity War. Et on verra pas Rogers, à mon avis, dans Black Panther. On a vu aussi un nouveau bouclier pour le Captain. Ouais, ça aussi, ouais. Donc plus technologique, un peu comme le bouclier que les Skrulls lui avaient fabriqué à un moment. Bon, c'est pas quelque chose qui me dérangera spécialement d'avoir un nouveau bouclier pour Captain. Je pense qu'il faut savoir évoluer dans une série. Parce que là, les fans ont commencé à râler sur ce bouclier. Ils ont pas fini de râler pour le reste. Non, moi forcément, oui, voilà, Avengers 3, j'ai envie de le voir. Là, ouais, le teaser a balancé du lourd, a balancé tous des personnages, des scènes d'action, et un Thanos imposant. C'est le seul qui est imposant dans cette bande-annonce d'ailleurs. Ouais, c'est sûr que bon, si on déjà Thanos, on le voit au détour d'un plan à la fin du spot. Dans le précédent trailer, on le voyait tanner quand même Iron Man et Spider-Man, donc c'était pas rien parce que de toute façon, avec son gant, faut bien qu'il rassemble tous les super-héros parce que sinon ça sert à rien. C'est du bon boulot, hein, au niveau de Thanos, je veux dire, visuel. Puis Josh Brolin, bon, c'est un super acteur, donc je pense qu'il prêtera bien son physique au personnage numérique. Mais il a impressionnant, moi je veux dire, il fait vivant. C'est pas comme je veux dire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas Arès avec sa grosse moustache ou Steppenwolf. Steppenwolf qui faisait vraiment bidon, quoi. Ça faisait vraiment vilain échappé d'un jeu vidéo, quoi. Bah là, oui, Thanos il est pas raté hein, Non, parce que non. Steppenwolf était vraiment horrible à regarder. Il Ouais. faut dire ce qu'il faut. Et là, non, là il en impose. Cet Thanos, c'est ce que moi, ce que je me rappelle dans les BD et dans les dessins animés. Voilà, c'est Thanos, quelqu'un d'imposant. Oh bah, on est emballé et puis on ira voir ça. Hein. Bah, moi personnellement, sans a priori, avec des attentes quand même. Bah, le problème c'est qu'il sera en deux parties, donc je serai forcément dès celui de la fin. Donc voilà, impatient d'aller le voir. On va parler du trailer de Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man the Wasp, la suite du film qui est d'ailleurs reprise par Peyton Reed, dans lequel on retrouve bien sûr Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, et Evangeline Lilly qui là endosse le costume de la Guêpe. Donc c'était Hope Van Dyne, son personnage, et bien sûr Michael Douglas qui reprend son rôle de Hank Pym, le Ant-Man original en fait. Dans la bande dessinée. Et dans cette bande annonce, ben, on utilise un petit peu les futurs combats, le fait qu'ils vont être certainement être poursuivis par une agence gouvernementale, d'après ce que j'ai bien compris. Trailer est très très animé, très très divertissant. Et il y a aussi un certain suspense et c'est surtout pour mettre en valeur les différents pouvoirs de la game pour moi. Donc oui, un trailer qui donne envie d'aller le voir. On y voit bah, les pouvoirs d'Ant-Man et un petit peu la guêpe dans sa nouvelle combinaison. Donc ouais, c'est Vandyne, hein, il me semble, la guêpe. Janet, c'est ça? Non, Jeannette, c'est la mère de Hop, en Donc fait. là, voilà, la fille de Janet qui va prendre le costume de The Wasp. On y voit quelques scènes qui sont dans la lignée, hein, c'est-à-dire le rétrécissement du bâtiment, le Hello Kitty géant, course-poursuite, ouais. On voit aussi bah, qu'il a un bracelet au pied, Donc, à mon avis, là, il vient de sortir de prison suite aux événements de Civil War, parce qu'il s'est pas Certainement, retrouvé ouais. dans le bon camp. Donc, moi, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur Ant-Man, d'en savoir un peu plus sur la guêpe. Bon, surtout la guêpe, parce que c'est un personnage dans Earth's Mightiest Hero que j'avais quand même bien aimé. Donc moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est la scène finale avec le pèse géant. Elle balance une espèce de pèse sur un mec en moto apparemment, et le truc grandit, et puis il y a une espèce de... J'ai pas bien vu la figure, mais rien que le fait que ce soit un pèse géant, bah, moi, ça me fait rigoler, quoi. C'est un pèse Hello Kitty, c'est ce que je disais D'accord, au c'est pour premier. ça. J'avais pas compris la référence, mais moi, je pense qu'on ira le voir. Alors, la date de sortie est prévue pour le 15 juillet, si je me souviens bien, et ce sera donc le deuxième film Marvel de l'année, quoi, après Avengers Infinity War. Donc après avoir comment ils font la chronologie de ce Ant-Man, savoir s'il sera avant ou après les événements de... Bah, ce serait pas logique s'il serait avant, quoi. Bah, ce serait plus logique qu'il soit avant l'Avengers 3. Bon, il sera juste, je pense, ouais, dans la lignée du numéro 2, hein, juste il sort de prison, et puis Hank Pym qui va l'aider avec ce bracelet. De toute façon, voilà, avec les molécules Pym, ils peuvent réduire tout ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que tu as noté la scène justement où on fait une référence au Voyage Fantastique, où ils sont dans une sorte de vaisseau un peu microscopique et ils sont parmi des microbes? Si, il y a un plan comme ça, et c'est assez chouette, je trouve, ce clin d'œil à la Voyage Fantastique, et aussi à l'Aventure Intérieure, qui est indirectement un remake du Voyage Fantastique. Et aussi au premier, on le voit aussi atteindre le monde microbien quand il se fait réduire, quand il se réduit au niveau subatomique en fait Ouais, c'est dans ça. le premier. Donc là, apparemment, il va maîtriser un peu plus son échelle moléculaire parce que ouais, on le voit vraiment tout petit dans ce passage-là. Et puis tout grand, parce que les scènes du ferry, par exemple, où il s'élève des eaux comme une sorte de géant un peu marin, quoi. Ça fait un peu kaiju. Non, c'est pas Pacific Rim 2, c'est Jumpman. Et puis il y a aussi la présence de nouveaux personnages. Alors j'ai noté Ghost, le personnage de Ghost, qui est, on va dire, un ennemi récurrent de Iron Man. Là, il est incarné par une femme. Il y a aussi Laurence Fishburne, qui reprend le rôle du docteur Bill Foster. En fait, Bill Foster, dans la bande dessinée, c'est tout simplement Jumpman. C'est Black Goliath, comme on l'appelle aussi. Voilà un peu tous les clins d'œil qu'il y avait dans ce premier trailer, qui donne envie quand même. Ouais, donc voilà, un trailer avec de l'humour, un trailer avec un Scott Lang un peu moins sûr de lui que dans Civil War. Bon voilà, une fille de Janet beaucoup sûre d'elle comme dans le premier. Bon, ça continue sur la lancée du premier, j'ai l'impression, et bon bah si ça continue sur cette lancée, pour l'instant ça peut être une bonne chose. Donc sorti le 15 juillet 2018. Le trailer suivant, c'est celui de Deadpool 2, donc réalisé par David Leitch. Avec bien sûr le retour de Ryan Reynolds, qui lui-même a lancé la franchise. On retrouve aussi Josh Brolin, alias Thanos, dans Avengers, dans le rôle de Cable. Et voilà, quoi. Donc on a une bande-annonce qui est assez, qui commence par, je veux dire, une espèce d'univers apocalyptique à la X-Men Days of Future Past. Et puis on enchaîne sur des blagues qui parlent du faux bras de Cable, avec un petit clin d'œil à l'univers DC, avec notamment la célèbre moustache d'Henry Cavill. Et là, c'est vrai que ça dérape, et là, on voit Deadpool qui commence à jouer comme un gros fanboy avec ses petits jouets, ses figurines de Cable et de Deadpool habillé en mexicain, avec un grand chapeau. Je crois que c'est mexicain. Hein. Et là, c'est complètement délirant. Hein. Et puis ensuite, il délire, et puis on a plusieurs plans qui s'enchaînent, où on nous présente succinctement pas mal de scènes d'action, où on voit, il y a un clin d'œil à la X-Force, et toi tu me le confirmais d'ailleurs, et il y a aussi des clins d'œil, on voit Negasonic Teenage Warhead ou un truc dans le genre. C'est ça. Et puis on a une belle étreinte entre Deadpool et Colossus. Et puis il y a aussi le retour de tous les personnages qui étaient dans le premier. Alors toi, je pense que tu as été emballé par ce trailer. Bah moi, il faut déjà se replacer que le premier Deadpool, j'avais adoré. C'était vraiment quelque chose de, moi je trouvais de frais dans une franchise de super-héros. Ça se prenait pas au sérieux et bah voilà, quand on écoute Ryan Reynolds, il est dur à dire celui-là. Donc quand on écoute Ryan Reynolds au niveau du scénario, bah c'est quelque chose qui rend mieux que le très horrible Green Lantern ou des choses comme ça. Ouais. Moi j'étais emballé par la bande-annonce, en plus je me suis fait piéger comme un bebeu quand ils montrent le bras vert de Cable. Je me dis bah ils ont oublié de faire les effets spéciaux, puis c'est vrai que là que ça coupe et que bah, c'est Deadpool qui dit vous avez oublié de faire les effets spéciaux et que ça enchaîne sur la moustache de Carville. Je crois qu'il en veut au DCU, hein, Deadpool, Ryan Reynolds. Bah, c'est Marvel versus DC, quoi, c'est Ouais, clair. c'est Marvel Ouais. versus DC à fond. Hein. En plus, lui, comme il a tourné dans Green Lantern, bon bah il y a. Il y a du parti pris dans le lot, je crois, parce que vu qu'on l'a pas écouté dans ce film. Après, ouais, comme tu disais, moi, bah ouais, j'ai vu Negasonic beaucoup plus puissante que dans le premier. Hein. Et moi, j'ai aussi vu Shatterstar dans l'avion, donc qui fait partie de la X-Force. Hein. Ouais, bah je pense que c'est une espèce de clin d'œil. Peut-être que bah il y a Domino aussi qui est dans le trailer. J'ai oublié Domino. Il y a pas que Cable, il y a Domino. Donc il y a toutes ces références déjà à X-Force, bah aux X-Men en général. Puis il y a toujours Reynolds qui part en vrille, qui est tout le temps dans la dérision, jusque dans la dernière scène où il est avec la dame aveugle qui se gourde de hein, puis et puis il se tourne vers la caméra, il dit bah attention, le dialoguiste a pas fait son boulot quoi. Ouais, non, c'est quand John Cable, il dit « Je suis venu pour te faire mourir, enculé », ou un truc dans le genre. Et Ryan Reynolds, ouais, il dit « Ah là, le dialoguiste, t'es pas foulé ». Donc voilà, ça reste dans l'esprit du premier Deadpool. Moi, que j'avais adoré, hein, l'esprit du premier Deadpool. Ouais, moi j'ai pas trop accroché parce que bon, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'action et que c'était très bavard comme film, mais bon, c'est chacun ses goûts. Bon, il faut rappeler Cable, qui est Cable en fait, il fait partie de l'univers X-Men bien sûr, mais c'est le fils de Scott Summers, donc Cyclope, et de Jean Grey, donc Strange Girl. Ouais, exactement, c'est Nathan Gary Summers. C'est ça. Le film est prévu pour sortir le 16 mai 2018 et je pense que même si j'ai pas aimé le premier film, je pense que j'irai voir ce second film parce que j'ai envie de savoir et puis j'aime beaucoup l'acteur Josh Brolin et je trouve qu'il colle parfaitement au personnage de Cable. Ouais, moi par contre, le film, je vais aller le voir comme le premier, un hein, cerveau sur pause pour voir des bonnes scènes bah, qui se prennent pas au sérieux et qui brisent le quatrième mur, hein, ça j'ai adoré Ça aussi. c'est ça, ouais. La dimension du Puis temps. voilà, ça reste Deadpool. Moi, les BD, j'avais adoré les BD Deadpool, notamment le passage où il dit un super vilain, enfin le super vilain dit, alors où on en était? Deadpool répond, page 6, case 2, en bas à droite. Donc voilà, c'est toutes des références comme ça que moi que j'ai envie de revoir dans ce genre de film. Et les scènes d'action ont l'air quand même assez formidables. On a parlé un peu des scènes d'action, mais il y a une espèce de gros camion qui arrive en plein milieu, là. On sait pas ce que c'est. En fait, ça dévoile pas trop l'intrigue, le trailer, hein. Après, l'intrigue Deadpool, bon, je pense que ça va être secondaire. Ouais, Hein. c'est sûr. C'est plus du prétexte à spectacle, comme dans le premier. Mais moi, je vais aller le voir de bon cœur. Je pense qu'encore une fois, je vais bien rigoler et que je vais apprécier les scènes de baston. Ce soir, branlette. Maintenant, on va traiter de Venom, le film réalisé par Ruben Fleischer. Donc, c'est un spin-off, bien sûr, de Spider-Man. Et Venom, on l'a déjà vu dans Spider-Man 3. Bon, je veux dire que c'était pas très réussi au niveau de la présentation. Il était joué par Topher Grace, donc qui se retrouvait face à Peter Parker de Tobey Maguire, donc dans le film de Sam Raimi. Et là, ben le personnage est tellement, on va dire, populaire auprès des fans. C'est l'un des vilains les plus populaires de Spider-Man pour moi, avec le Bouffon Vert. Paix à son âme vu qu'on quand on voit le Amazing Spider-Man numéro 2. Sinon Venom c'est le il a commencé dans Guerre Secrète sous la forme d'un symbiote et donc il a pris possession de Peter Parker pendant ce voyage et quand il est arrivé sur Terre il a commencé un peu à se révolter et il est tombé sur Eddie Brock et là dans ce trailer on nous présente donc Tom Hardy qu'on le rappelle qui jouait Ben dans The Dark Knight Rises et là il reprend le rôle d'Eddie Brock mais on est complètement à part de la bande dessinée. Je ne sais pas de quel arc ça s'inspire d'ailleurs mais apparemment il serait sujet d'une expérience et on voit vaguement une espèce de forme qui bouge dans un cube de verre, dans un espèce de récipient de verre. Et là, bah, on ne montre aucune image du monstre. C'est juste un teaser où Eddie Brock exprime un peu ses pensées, son passé. On voit un peu, je crois que c'est sa femme d'ailleurs dans le trailer. La plupart du temps, il est cloué sur le lit dans une espèce de labo. Et ça finit qu'il secoue dans tous les sens. Il a une espèce d'épilepsie. On se doute que c'est une conséquence de sa contamination par le symbiote. Bon, c'est un simple teaser, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine accroche déjà. On n'en montre pas trop hein, dans le teaser. Comme tu disais, on n'y voit pas le monstre Venom. On y voit vraiment le personnage Eddie Brock. Donc, enfin, on ne sait pas encore si c'est Eddie Brock. C'est Eddie Brock. C'est Eddie Brock. Mais on y voit juste donc le personnage Eddie Brock. Voilà, dans ses marasmes psychologiques. On le voit alité. On ne sait pas s'il est comme l'agent Venom, paralysé des jambes ou quelque chose dans le genre. Bah, Venom, c'est un personnage quand même qui a eu beaucoup de rebondissements dans l'univers Marvel, hein, parce qu'il est passé de antagoniste à protagoniste à co-héros. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui est très vaste à faire. J'espère qu'ils sauront se détacher de la licence Marvel pour pas faire plaisir aux fans, parce que sinon, voilà, ils vont dire ouais, Spider-Man, ouais, ceci, ouais, cela. Alors que Venom, pour moi, ouais, mérite une histoire à lui tout seul, sans forcément un passé commun avec Spider-Man. On compte plus le nombre de Venom qu'il y a dans les comics en fait. Il y a même un Venom dinosaure, il me semble, un moment dans Old Man Logan. Et lui, comme c'est un symbiote, et en plus, il a. Alors, je sais pas s'il sera présent dans le film, mais on parle aussi de Carnage, l'espèce de Venom symbiote rouge, assez sanguinaire. Et peut-être qu'il l'aura, peut-être qu'il l'aura pas, enfin, on ne sait pas. Mais bon, moi, j'étais quand même allé, et puis bon, pour ce film qui va donc sortir le 15 octobre. Donc d'ici là, on aura certainement un nouveau trailer qui montrera la bête. Ouais, plus une bande-annonce où on Ouais. en montrera à la dernière seconde, je pense, Venom, ou alors une Quelque scène chose comme ça. d'action avec Venom. Quelque chose pour me donner un peu plus envie de voir les CGI sur Venom. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me désintéresse, ça m'intéresse pas non plus pour l'instant, je suis plutôt neutre. Ouais, j'en vois pas assez, bon, c'est pour une histoire que. Enfin, c'est parce que je connais le background de Venom, donc c'est pour ça que j'aurais envie d'aller le voir, mais voilà, il y a que ça qui me fait envie d'aller voir Venom pour l'instant, par rapport à ce que j'en ai vu sur le trailer. Hey, petit! Je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse? Ça veut dire oui. On va s'attaquer à un morceau assez dominé, qui a dominé, quoi, je veux dire, le Super Bowl. C'est le trailer qui était attendu depuis, je veux dire, quelques mois quand même, parce que là, le Disney, pas assuré sur le plan marketing, sortir un trailer 3 mois avant la sortie du film, parce que le film est déjà prévu pour mai. Là, c'est le trailer de Solo, Star Wars Story, donc le spin-off de Han Solo. Le film est réalisé par Ron Howard. Alors, au casting, on retrouve cet acteur du nom de Alden Ehrenreich, qui incarne bien sûr le jeune Han Solo, donc incarné par Harrison Ford depuis 30 ans, on va dire. Il y aura aussi Woody Harrelson au générique, Emilia Clarke, Donald Glover qui va faire Lando. On aura aussi Paul Bettany dans un petit rôle. Et dans ce trailer, y a pas mal d'action. Il y a beaucoup de plans iconiques, je dirais. Il y a de la nouveauté hein, par rapport au précédent Star Wars. Maintenant, on a aussi un nouveau Faucon qui se démarque un peu de l'ancien, c'est-à-dire qu'il y a un peu de différence au niveau à l'avant, c'est-à-dire qu'il est plus long. Je pourrais essayer de vous décrire les nouvelles formes, c'est-à-dire que maintenant il est plus long à l'avant, il y a pas ce côté creux qu'il y a entre deux, et on a un petit peu des pâtures différentes, c'est-à-dire qu'il est bleu et gris au lieu d'être gris tout sale, il est tout neuf, c'est le Faucon primaire, j'ai envie de dire. Et moi j'ai trouvé que les plans avec du Faucon étaient très réussis, notamment cette scène avec quand il est poursuivi par les Star Destroyers et les TIE. Et à un moment, il tombe sur une espèce de pieuvre géante. Ça a l'air bien sympathique parce que moi j'aime bien les pieuvres géantes. Et ça change un peu de Star Wars. Et puis ce que j'ai trouvé aussi, c'est le côté très western. On a beaucoup de plans de westerniens, un petit peu léoniens. C'est-à-dire qu'on a des plans de dos, on a des plans sur le flingue de côté avec des espèces de desperados, des espèces d'aliens qui avec des casques et tout. Enfin, moi je le dis tout de suite, je suis quand même assez emballé de voir, même si bon, je suis un fan d'Harrison Ford, mais j'ai envie quand même de voir le résultat. Moi, je suis moins enthousiaste que toi. Les plans aussi sont sympathiques, les scènes d'action sont sympathiques, mais bah, moi, je trouve que ça pue le film qui fait coucou les fans. Donc j'ai un énorme a priori là-dessus parce que bah, tous les plans qu'ils nous ont montrés, bah, c'est carrément tous des plans pour dire coucou les fans. On fait un film sur Han Solo, on sait que c'est à peu près votre préféré. Voilà, on va vous balancer un film. Alors moi, l'inconvénient avec la licence Star Wars en ce moment, c'est qu'ils font un peu de la merde pour faire plaisir aux fans, ou même des fois pour les vexer. Hein, on sait pas sur quel pied ils dansent. Donc là, c'est un film, voilà, moi qui me fait un peu penser vraiment. Ouais, c'est ça, cet aspect-là. Coucou les fans, on a fait un film, on a acheter une licence, on voudrait la rentabiliser, s'il vous plaît, venez le voir. Après, oui, il y a quand même pas mal de choses à raconter sur Han Solo, hein, parce que on n'a pas vraiment d'historique sur lui, à part dans l'univers légende. Bon, je suis quand même curieux de connaître un petit peu la destinée de Han Solo avant le nouvel espoir, quoi, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça en fait. D'après ce qui se dit, c'est qu'on va faire du fan service à mort. C'est-à-dire qu'on va lui raconter sa première rencontre avec Chewbacca. On va raconter aussi comment il a gagné le Faucon dans un jeu contre Lando. Bon, j'espère qu'on verra pas trop l'Empire parce que là, ce serait un peu lourd et qu'on aura de nouveaux méchants et de nouveaux adversaires et des belles scènes d'action. Moi, j'en veux propre cette espèce de poursuite avec les speeders là, à un moment avec les robots. Et moi, j'ai trouvé que visuellement, bah, c'était un peu plus, il y avait plus de propositions que dans le dernier Star Wars, quoi. Ouais, mais en même temps, ça rejoint les Star Wars 4, 5, 6. Bah, là, par exemple, une pieuvre géante au lieu d'un ver géant. Mais sinon, voilà, je suis pas spécialement impatient d'aller voir ce film. Je trépigne pas d'impatience, peut-être parce que, bah déjà de 1, j'ai été déçu par le 7-8, hein, faut dire ce qu'il faut. Puis après, faire un film pour les fans, je suis pas un fan hardcore, moi, de Star Wars, je suis un fan tout court. Donc, ouais, forcément, c'est pas quelque chose où je vais m'impatienter d'y aller. Rogue One était bien, justement, parce qu'il sortait complètement de la case des fans. Ça avait même déstabilisé les fans, parce qu'il y avait pas de Jedi, il y avait pas. Il y avait Vador quand même. Il y avait Vador, mais c'est. Je veux dire, voilà, il y avait une scène, c'était le fan service, c'était Vador, mais elle était vraiment bien amenée. La scène de Vador était vraiment bien amenée. idée. Après, oui, je vais aller le voir, forcément. Une licence Star Wars, il me paraît inconcevable de pas aller le voir. Mais je vais pas y aller avec un enthousiasme aussi grand que le tien. Mais c'est vrai que les scènes spatiales donnent envie, hein. Bon, comme tu disais, cette fameuse pieuvre tentaculaire était quand même bien amenée. Moi, ça m'a fait penser au ver géant, hein. C'était, je m'y attendais pas la Ouais, je première pense fois que que j'avais vu Star Wars. c'est aussi une référence à l'Empire contre-attaque quand il pénètre dans l'espèce de ver géant dans l'astéroïde. Mais je trouve que pour un rappel, c'est plutôt subtil et voilà. Ah bah je l'ai trouvé moins subtil parce que je Bah, l'ai vu. la Mais perception non. d'une personne à une autre n'est pas la même, je Voilà pense. exactement. Et moi, Ouais. la perception que ça m'a donnée, c'est coucou les fans, on vous fait un film. Un peu comme Pacific Rim 2. Hein. C'est ça. Coucou les fans, on vous fait un film, vous avez aimé le premier, allez, on vous colle un Bah ouais. deuxième. Ouais, les spin-offs sont mieux réussis que les séries. Hein. Par exemple, on prend Rogue One, il était mieux réussi. Et pourtant, j'avais peur aussi des fans de service. Et après, il y aura forcément des scènes contre l'Empire, parce que tu nous en as déjà décrit deux. Donc contre le Destroyer et contre les TIE Fighters. Bon, un film à voir quand même. Hein. Ça reste quand même du Star Wars. Après, voilà, il y a pire que Han Solo comme personnage où on n'a pas envie Ouais, d'aller le non, mais voir. c'est clair, Han parce que Solo, voilà, c'est la déité Star Wars. Hein. c'est iconique, hein. Ouais, c'est une icône. Je veux dire, il fait partie de la Trinité, ce qu'on appelle Luke, Han et Leia. Donc, c'est un peu comme ça. Pourquoi ils ont capitalisé là-dessus? Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça offrait quelque chose de neuf par rapport à cette nouvelle post-logie. Qui moi ne me ramène rien, qui me ramène aucun espoir. Et quand je vois ce film-là, je me dis ah, j'ai envie de reprendre foi en Star Wars. Alors que moi, comme toi, je pense que on n'a pas beaucoup d'attentes pour le 9, par exemple. Ça, c'est le problème des fans. Parce que les fans bah, sont fans de ce qui a été fait avant, donc forcément, ce qui va arriver après et qui change de leur zone, vont pas aimer. Alors, en même temps, voilà, moi, je suis fan juste et j'ai pas aimé la direction artistique complète de la saga 7-8. Donc le 9, oui, je suis pas impatient d'y aller. Mais là, ça fait vraiment un film pour les fans, fait par un fan. Donc, ouais, j'ai une petite appréhension là-dessus. Ouais, je peux comprendre. D'autant plus que bon, moi, je vais pas être emballé par tout ce qui est spin-off futur parce que il était question d'un spin-off sur Obi-Wan Kenobi déjà. Donc Obi-Wan, je crois qu'on l'a vu beaucoup, même quasiment dans presque tous les films. Et ben, il parle aussi d'un spin-off sur Boba Fett. Alors c'est les deux personnages qui seraient en lice pour le troisième spin-off qui sortira après le 9. Un spin-off sur Boba Fett, c'est de bonne aloi. C'est-à-dire que Ouais. c'est un personnage qui mérite beaucoup plus qu'une mort stupide bouffée par un sarlacc. Puis un personnage qui a quand même beaucoup animé les fans dans les commentaires, etc. Et Boba Fett, il y a quand même pas mal de choses à raconter sur lui. Bah lui c'est Boba Fett en fait il y a plus de durée de vie dans les comics dans les romans que dans les films c'est ça le truc c'est ça qui a fait sa réputation en fait Oui, parce que dans les films, bah, il meurt comme une merde, ah hein, faut dire ce qu'il ouais faut. Après, voilà, moi j'aurais préféré un spin-off sur Phasma ou Hux. ou Jar Jar Binks Ou Jar Jar Binks, mais bon, on se contentera de ce spin-off sur Han Solo. non je sais pas ils auraient pu faire un spin-off sur les premiers Jedi par exemple un truc comme ça ou... Bah, moi, les Jedi, personnellement, T'en as ras le bol. je me suis laissé influencer par la critique de Michael Gee. Pour moi, les Ouais. Jedi, c'est tous des connards. Donc, Ouais. parce que bah, ils ont la science infuse, c'est eux qui ont bon, c'est eux qui ont bon, c'est eux qui font la loi et basta. Et ils se Si... plantent. Finalement, ils se plantent. Et ils se plantent en plus. Et ils se remettent pas en question. Non. C'est-à-dire que quand on regarde la licence Star Wars, celui qui a réussi dans l'Empire contre non dans le Retour du Jedi, c'est quand même Luke Skywalker en étant neutre, ni bon ni mauvais, qui a réussi à sauver son père. Donc il est quand même passé un petit peu vers le côté obscur pour le sauver. Ouais, mais il a su rester neutre, il a su rester obscur, mais pas faire comme Kylo Ren, partir dans sa connerie obscure et rester dans le côté C'est obscur. ça. C'est-à-dire qu'il est même pas revenu vers le côté lumineux, il est revenu vers le côté neutre, très bouddhiste. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le bien, il y a le mal, mais il y a un entre-deux. Et en gagnant l'entre-deux, bah, il a complètement gagné l'ascendant sur l'empereur et sur son père. Ouais, c'est très très juste ce que tu dis. Bah moi on ira le voir de toute façon, un Star Wars au cinéma c'est toujours un spectacle. Bah, ça va être un grand spectacle. Ouais. Les scènes, franchement, spatiales sont quand même Bah, les super. scènes Hein. du Faucon elles sont quand même Ouais. ils sont époustouflantes, hein. Après voilà, c'est les Falcon Millennium, on Ouais. verra un peu l'intérieur avant qu'il soit tout pourri, ça sera déjà Ouais. bien. Et non, ouais, Lando Calrissian, bah c'est vrai qu'on nous l'a annoncé un peu comme une merde sur une planche dans les Ouais. films, donc en savoir un peu plus. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Moi j'aime bien c'est le personnage de Woody Harrelson, donc Tobias Beckett. Je trouve qu'ils apportent une nouveauté. Il y a aussi Kira là, qui est joué par Emilia Clarke. Bon, c'est des personnages que tu as envie de découvrir aussi. Alors maintenant, le film sort le 23 mai. C'est dans pas longtemps en fait. Hein. Donc la promo a débuté, mais vraiment à dardard. On va voir un déferlement de spots, de trailers et de pendant les 3 mois qui restent, quoi. Ouais, parce que là pour l'instant, bah, le trailer c'est un trailer, hein, c'est même pas une bande-annonce, donc c'est vrai que là pour la promo ils sont en retard. Alors peut-être une stratégie justement pour pas trop en spoiler sur le film. Ouais, enfin, il y a aussi le problème que le 8 n'est pas encore sorti en DVD Blu-ray, et ça fait film sur film. C'est-à-dire qu'ils ils attendent même plus décembre pour sortir un Star Wars. Là, ils ont planifié pour le mois de mai, alors que un Star Wars, ce serait tous les mois de mois de décembre, tous les ans, quoi. Après, s'ils s'en sortaient un décembre, ça ferait ouais, plus logique, c'est-à-dire Star Wars, décembre, décembre, décembre, tous les ans. Là, c'est vrai que ça sort un peu vite. Bon, je pense qu'il doit avoir une raison à ça. On va terminer sur une impatience d'aller le voir quand même. Ouais. Que ce soit fan ou pas fan, je pense qu'il y a quand même une matière à étudier hein, sur Han Solo. Bon, puis voilà, enfin, après, marcher dans les bottes d'Harrison Ford, moi je souhaite bon courage à l'acteur, surtout de pas couler cette licence. Tiens-toi prêt. J'ai bien cru qu'on était cuit, mais c'est bon. Tout va bien. On va parler à la fois d'un trailer et d'un film, vu que ce qui a suivi le trailer, la diffusion du film a été c'est fait sur la chaîne Netflix. Le trailer donc de Cloverfield Paradox, qui est en fait le troisième volet de la saga Cloverfield, donc le premier qui est en 2008 si je me souviens bien, et le Cloverfield Ten Lane, c'est ça? Cloverfield Lane. Ouais, Cloverfield Lane. Bon, un film plus intimiste dans le deuxième, et un film le premier était plus dans le cadre du found footage, avec un monstre géant qui joue, comme l'adore mon ami Teddy d'ailleurs. Mais là, ce troisième film, ça se situe dans l'espace, dans une station spatiale, et il se passe de drôles de choses, notamment, bon, pas tout dévoiler, mais dans le trailer teaser, je veux dire, on voit il y a des choses bizarres qui se passent, il y a des personnages qui mutent un peu, on va apprendre pendant le film que il y a des trucs un peu bizarres. Mais bon, je te laisse parler du trailer déjà dans un premier temps. Voilà, le trailer, il en dit pas grand-chose. Hein. Il fait juste un point de repère avec Cloverfield. On sait juste que en bas, donc la Terre, il se passe des choses pas terribles et que apparemment dans la station spatiale, bah, c'est un peu le cas aussi. Moi personnellement, les licences Cloverfield, la première j'avais aimé sans plus. Bon, la deuxième, j'avais détesté. Hein. À part le twist à la fin, mais ça c'est plus mon côté amateur de SF. Bon, le trailer, on n'y voit pas grand-chose. Hein. C'est pour quelque chose qui annonce vraiment ce qui va se passer dans le film. Voilà, ça nous met une situation en des personnages. On nous montre des personnages, on nous les présente ni d'Ève ni d'Adam, et puis on est censé s'y attacher. C'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire. Ouais, moi je veux dire que dans Cloverfield le premier, j'avais beaucoup aimé, à part que j'avais un peu la tête qui tournait parce que je trouvais que la caméra elle était très instable, mais il y avait des belles scènes avec le monstre qui pète tout, et puis t'as la surprise de voir le monstre en entier à la fin. Enfin, je suis désolé, j'ai tout spoilé. Bah à mon avis, là, on va quand même supposer que vous les avez vus. Ils sont sortis Ouais, quand même il y a un petit bout de temps. donc le premier, je pense que je l'ai plus aimé que le deuxième, qui est le Cloverfield Lane, où là t'avais une espèce de huis clos, ils étaient à trois avec John Goodman notamment, qui était un peu psycho dans ce film, et qui voulait garder absolument la jeune fille et le gars qui dans cette espèce d'ambiance apocalyptique. Parce que lui racontait que la Terre avait été envahie et que on était sous le joug des extraterrestres. Ce qui s'est avéré vrai à la fin du film, vu qu'il y a une espèce de vaisseau un peu mi-organique, mi-mécanique qui arrive. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Oui, je me souviens, hein, même qu'il envoie valser sa bagnole, etc. Ouais, à enfin la c'est un dame. peu, elle est un peu grosse cette scène, je Ouais, trouve. voilà. Bah après, non, Cloverfield 2, voilà, c'était un aspect intéressant de ce huis clos, parce qu'on savait pas qui disait Ouais, vrai et qui disait c'est ça. faux. Oh, l'autre, il disait, hein, c'est le monde apocalyptique, mais il n'y a pas de preuves. Bon, l'autre, que pas le, enfin, la dame le croit pas. Bon, c'est pas quelque chose, moi, les huis clos qui m'intéressent plus que ça, donc c'est peut-être pour ça que j'avais pas aimé. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime pas les sagas Saw. Moi, le premier Cloverfield, non, j'avais aimé, mais sans plus, hein, parce que pourtant, c'est assez bavard. Le found footage, ouais, c'est très dur à regarder. Hein. C'est pas vomitif, mais on en est pas loin quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a un aspect nauséeux des fois. Hein. Enfin, ouais, puis en plus, j'ai eu le Ouais. malheur de me mettre au deuxième rang. Bon, Très mauvaise idée. je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai vu en bon, sur un écran, un petit écran. Mais même sur le petit écran, je trouve que c'est assez nauséeux comme film. Et donc voilà, par rapport à ce teaser, bah, on n'en apprend pas plus, on n'en sait pas plus. De toute façon, ça c'est très bad robot, hein. Ouais. On n'en dit pas plus et vous avez qu'à aller le voir pour savoir. Voilà, c'est un peu exactement leur lignée à chaque fois qu'ils sortent un film hein, chez Bad Robot. Ouais, en fait, bah de robot, quand on dit pas de robot, on dit J.J. Abrams, bien sûr, vu que c'est lui qui produit les films. Bah moi, je vais donner un avis sur ce film que j'ai vu dans la même journée, en fait. J'ai enchaîné donc le teaser avec le film, et je me suis prodigieusement ennuyé. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé pendant 1h40 dans cette station spatiale, où il se passe pas grand-chose d'ailleurs, avec un équipage qui est multiculturel, donc des acteurs qui sont quand même assez moyens. Il y en a un qui m'a particulièrement énervé, mais bon, mais je dis pas qui. Mais il y a aussi le fait que bah, on a des scènes horrifiques, mais on les a déjà vues dans plein de films. Alors je peux citer Alien, je peux citer aussi Life, qu'on a eu il y a pas très longtemps. Même Life est bien meilleur que ce film, et pourtant, bon, c'est pas non plus super inspiré, Life, mais ce film-là, il est pas du tout inspiré, il n'y a pas d'ambiance, tout tombe à plat, et puis t'as les caricatures de scénario, tu devines tout à l'avance, et tu devines même ce qui va se passer à l'avance, à la fin, et même t'as une scène, une espèce de coup de tête final, mais complètement ridicule, que je dirais parce que de toute façon je vais pas spoiler, mais qui raccroche le wagon avec le premier Cloverfield, d'où ça sort, quoi, je veux dire, je suis demandé d'où ça sortait. Et il y a une espèce d'histoire de voyage à particules, donc ils utilisent une espèce de, pas de moteur sporique, mais de moteur à particules en fait, qui en fait les précipite dans une espèce d'autre univers, où il découvre d'autres créatures, mais c'est hyper lent, c'est bavard, c'est y a pas d'ambiance comme je disais, et moi je me suis ennuyé comme ennuyé ferme, et comme je dis, c'est pas original pour un sou, quoi. C'est même, je dirais même que c'est insipide, quoi. J'ai lu quelques critiques après, et je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui allaient dans mon sens, quoi. Ça fait penser à un téléfilm en fait. Ouais, C'est c'est pas quelque ça. chose qui est sorti au cinéma, donc voilà, c'est un téléfilm. Enfin, maintenant on dit plus téléfilm parce que la télé s'est dépassée. Mais voilà, c'est un téléfilm, ça sort sur Netflix directement. En général, c'est pas bon signe. Quand ça sort sur Netflix directement et que ça reprend deux grosses licences avant qui étaient sorties au cinéma, je pense pas que ce soit spécialement un bon film pour aller le voir. Un bon Ouais, signe, pardon, pour aller le ça voir. rappelle un peu, tu sais, tous ces DTV qui étaient des suites de films. Alors, je pense à beaucoup, il y avait beaucoup de films d'horreur hein, qui sont sortis comme ça. Je pense à Wishmaster, un truc comme ça, où les films ils sont pas sortis au cinéma, ils sont sortis directement en vidéo parce qu'ils étaient pas bons. Le budget était quand même. Et pourtant, il paraît que dans le paradoxe, là, le budget était pas mal. Alors, je sais pas où il est parti le budget parce que de toute façon, bon, les effets spéciaux ils sont minimales. Bon, les acteurs sont pas non plus super connus. Ils sont quand même assez moyens. Mais comme je disais, c'est le film que tu devines le moindre enchaînement, tu le devines quoi. À aucun moment, tu es surpris de ce film en fait. Et c'est là le gros problème de ce troisième épisode. Il y a un quatrième qui est en train de se tourner là, c'est Cloverfield Overlord. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que le lien entre les films et comme je l'ai dit, il est un petit peu forcé quoi. C'est un peu comme Lucas, tu vois, pour comparer, je pourrais dire que Lucas a un peu forcé les connexions avec l'épisode entre les épisodes 3 et 4. Et ben là, c'est un peu pareil, quoi, tu vois. Faut balancer un truc au dernier moment pour la connexion. D'accord, faut bien nous balancer quelque chose qui nous amène à un résultat qui était déjà Ouais. annoncé avant, en gros, Mais quoi. c'est médiocre, donc voilà quoi. Donc moi je conseille pas du tout, perdez pas votre temps à regarder ça, parce que de toute façon ça vaut pas le coup. C'est 1h40 de perdu pour moi. Moi je reste sur le fait que le premier film était pas trop mal, même si il y a le côté footage machin qui est certes, mais il y a un aspect un peu réaliste, un peu documentaire dans le premier qui moi m'a plu. Un peu expérimental même très, très très expérimental, et qui fait que moi j'étais un petit peu en immersion avec ces personnages qui sont dans les ruines de New York, alors que là bon on n'a rien du tout pour se raccrocher quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire pour Cloverfield Paradox. D'accord, donc conclusion, film oubliable, vous pressez pas pour aller le regarder sur Netflix. Complètement. Bande-annonce sortie il n'y a pas très longtemps pour un film donc Die Hard 8 ou Die Hard 9. Oh non, pardon, Skyscraper avec Dwayne Johnson. Parce que ça m'a fait penser à Die Hard, la bande-annonce, hein, carrément. Piège de cristal. Piège de cristal pour ceux qui connaissent plus la version française. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce film. Hein. Voilà, c'est du Dwayne Johnson, c'est le héros qui va sauver la situation. Il est coincé dans un gratte-ciel qui est en feu. Et il va devoir sauver sa famille. Ah, je suis en train de réciter quel scénario? Skyscraper ou Die Hard 1? Voilà, c'est exactement ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de remake déguisé de Piège de cristal, tout simplement. Il remplace Bruce Willis par Dwayne Johnson. Il est bien sympathique, il a fait du Jumanji. Bon, il paraît que c'est pas si mauvais que ça, Jumanji. Là, il va nous faire un rampage où il va affronter un gorille géant, un alligator et une espèce de loup qui vole. Donc, je sais pas si vous avez vu le dernier spot TV, mais c'est quand même proche du nanar ce film. Mais là, on n'a pas du tout envie de le voir, quoi. Il saute d'immeuble en immeuble, il est avec sa jambe artificielle. Bon, c'est plein de bons sentiments, c'est encore des trucs surhumains, quoi. Ouais, voilà, on nous vend un personnage qui va se dépasser sa condition d'handicapé pour sauver sa famille, qui va faire des scènes d'action de dingue, qui va monter dans un gratte-ciel. Oh, ouais, du déjà vu. Donne pas envie d'aller le voir. J'ai rien contre Dwayne Johnson, hein, parce que ouais, dans Jumanji, moi je l'ai bien aimé. Il se prenait pas au sérieux Tu et l'as vu? c'était quand même. Ouais, j'ai vu Jumanji. Il se prenait pas au sérieux et c'était quand même bien réalisé. Bon, la fin est convenue, hein, Jumanji, mais voilà, ça reste du Jumanji. Mais voilà, il jouait un adolescent dans Jumanji, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que c'est un ado absorbé par un jeu vidéo. Mais là, Dwayne Johnson bah, se lance dans des films d'action, ouais, voilà, dans des trucs un peu plus nanardesques, hein, La Faille de San Francisco ou de San Andreas, je sais plus, Rampage, Fast and Ouais. Tu Furious. l'avais vu, la San Andreas? Non, je l'ai pas Tu l'as vu. pas vu? Non, ouais, les films grandiloquents comme ça, j'ai un peu de mal à accrocher à ce genre de film. Amérique, style Amérique, ouais. Ouais, c'est pas quelque chose qui m'a branché. Moi, voir Dwayne Oh. Johnson, quand il faisait du catch, je l'aimais bien, mais sinon. Dwayne Johnson, c'est le roi scorpion, hein, souviens-toi, cet effet désastreux là, dans le retour de la momie, là. Ah, quelle horreur cet effet spécial. Je pense qu'il a une certaine notoriété maintenant, comme catcheur, comme acteur. Il peut être bon comme il peut être mauvais aussi. On voit aussi dans G.I. Joe numéro 2. Bon, il est sympathique, il a l'air sympathique comme gars, mais il commence à s'auto-caricaturer pour moi. Moi, je dis pas que c'est un mauvais acteur, je dis que voilà, il s'enferme dans des rôles de dur à cuire et de. Ouais, de personnage, c'est moi le plus fort, etc. Bah, c'est bon, on en a plein des personnages comme ça. On a Tom Cruise, comme on l'a dit dans un podcast auparavant. On a Vin Diesel qui fait exactement la même chose. On a Dwayne Johnson. Bon, lui, il y a quand même la musculature pour, mais voilà, il y a que ça. Hein. C'est pas Hulk Hogan non plus. Donc, enfin, c'est quelque chose, moi, qui me branche pas. Skyscraper, un scénario convenu. Ça va être une fin convenue. Donc, Ouais. pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, puis bon, Dwayne Johnson, pour revenir à Dwayne Johnson, il paraît qu'il va faire une espèce de spin-off de Fast and Furious, d'après ce que j'ai su. Donc c'est le mec qui est quand même bankable à mort. Je veux dire, en tant que matière de ces films, il n'y a rien à attendre, quoi. Et après, ben, c'est comme on dit dans les autres podcasts, notamment concernant Tom Cruise ou d'autres, je pense que ça ne s'adresse pas à nous. Je pense qu'on n'est pas le public visé dans nos tranches, donc voilà, plus un film pour ados ou pour jeunes adultes, c'est tout. Petite pastille vite fait sur Mission Impossible Fallout, si tu veux bien, avec Ouais. notre cher ami Tom Cruise, je te Ouais. laisse un peu faire le Un peu casting du film. présenté, ben en fait c'est le. Vous voyez à quel point je suis emballé par ce film, mais bon. Mais c'est le cinquième film de la saga Mission Impossible, donc qui avait commencé en 96 avec le premier réalisé par Brian De Palma. Et Tom Cruise incarnait l'agent Ethan Hunt. Lui donc il est désavoué. Pour réaliser un peu ses exploits, hein, on va dire ses exploits physiques à l'écran. Là, on retrouve donc, la mission se passe à Paris, la plupart du temps. On voit la tour Eiffel. On nous assène bien que c'est à Paris, hein. Y a pas de problème, hein. Donc, on retrouve notre agent Ethan Hunt, encore une fois désavoué, comme dans les autres films. Il est face à Henry Cavill, qui sort sa grosse mitraillette. Ben, on peut pas s'empêcher de parler sa grosse moustache, hein, à l'ami Henry, parce que. Il aurait pu la raser, hein, il n'y avait pas de problème. Après, il aurait pu mettre une postiche, par exemple. Moi, je trouve que c'est de la redondance en permanence. C'est-à-dire que le film est fait autour de Tom Cruise et pas pour le personnage de Tom Cruise. Ce que je veux dire par là, c'est que tantôt, on a encore la scène de l'hélicoptère. Il a s'accroché à un avion, la dernière fois, il s'accroche à un avion. Il s'accroche à un train, un TGV. Il s'accroche à un truc où il est accroché à une tour qui fait. Je sais pas combien de mètres à Dubaï. Et là, bah, elle recommence. Hein. Les scènes de moto, on les a déjà vues 1000 fois. Surtout dans l'émission Impossible numéro 2. Bah, le scénario, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Donc, je vais te passer la parole si tu veux bien. Bah voilà, c'est une bande-annonce, moi j'ai l'impression de voir un film pour Jackie Chan, hein. Action, action, action, action, action, action, scénario, on s'en bat les couilles, action, action, action. Voilà, bah le dernier Jackie Chan avec Tom Cruise, il a l'air pas mal, voilà c'est ce que je me suis dit en voyant le Ouais, film. c'est ça. En même temps, j'ai horreur du personnage de Tom Cruise, bah du personnage qu'il représente, hein, Scientologie, etc. Donc rien que pour ça, moi je vais pas voir le film. Après voilà, je suis catégorique, c'est du Tom Cruise, je vais pas le voir. Parce que Tom Cruise, du Tom Cruise, comme Samuel Jackson, commence à jouer du Samuel Jackson. Moi je suis pas impatient que ce soit à Paris, à Roubaix ou à Tourcoing, j'en ai rien à faire quoi, c'est pas le lieu qui compte, les scénarios sont convenus, ce sera des scènes d'action à tire-larigot, ce sera un Fast and Furious 8 ou un truc dans le genre, C'est parce ça, ouais. que voilà, ça me fait penser à ce genre de films qui sont pas faits pour moi, et pourtant qui font beaucoup d'entrées. Encore une fois, voilà, moi je suis pas le public visé par ce genre de film, je tiens pas à aller le voir. Je pense même pas qu'il y ait grand chose à dire sur la bande-annonce. Voilà, c'est action et puis basta quoi. Ouais, c'est du divertissement pur. C'est même pas cerveau en mode pause, c'est cerveau ramolli, quoi. Bah même voir ça pour aller voir un nanar, même pas, c'est pas quelque chose qui me branchait. Bah, c'est un film, faites-vous votre propre idée si vous voulez aller le voir. Tom Cruise apparemment est encore un bon acteur d'après ce que les critiques veulent bien nous dire. Moi Bah, personnellement je suis pas convaincu. il était bien bon acteur quand il avait des rôles solides, je vais dire dans les années 80, 90. Maintenant, c'est plus son image d'actionneur qui prime, c'est-à-dire que le mec, il fait ses cascades, il a encore eu un accident pendant ce tournage d'ailleurs. Voilà quoi, c'est plus un acteur, pour moi c'est un actionneur, il veut faire du Vin Diesel, il veut faire on va en parler tout de suite, mais il veut faire du Dwayne Johnson, il veut concurrencer les grandes figures de l'action maintenant. Ouais, mais il veut concurrencer des films de brin, enfin je sais pas, c'est bizarre. Enfin après bon, si vous aimez bien tous les films, hein, genre Fast and Furious, je sais pas, Rampage ou tous les trucs comme ça, le prenez pas mal. En même temps, voilà, je dis ce que je veux, c'est mon podcast, mais c'est pas quelque chose, moi, qui personnellement m'intéresse d'aller voir Tom Ouais. Cruise au cinéma. Je crois qu'on n'est pas le public visé, tout simplement. Voilà, pas public visé, j'ai pas vu Jack Reacher, ça m'a pas manqué, j'ai pas vu Edge of Tomorrow, ça m'a pas manqué, j'ai pas vu les autres Missions Impossibles, sauf le premier, que j'ai bien aimé quand même, hein, faut dire ce qu'il faut. Voilà, ça m'a pas manqué, et pas aller voir ce film, je pense que ça va pas me manquer. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À À la la prochaine! prochaine!